السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Donc on va continuer ce qu'il a dit Cheikh Al-Fawzan dans son explication de نواقض الإسلام حفظه الله. Il a dit والشرك نوعان, النوع الأول شرك أكبر والنوع الثاني شرك أصغر. Il a dit qu'il y a deux types de polythéisme. Il y a deux types de polythéisme. Le premier type c'est le polythéisme majeur et le deuxième type c'est le polythéisme mineur. Il a dit ensuite الشرك الأكبر هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كما سبق وهذا النوع يخرج صاحبه من المنة ويحرم على صاحبه دخول الجنة ويخلد في النار ويحبط جميع الأعمال ويبيح دمه وماله فهو قبيح من عدة وجوه. Il a dit que le premier type c'est le fait de vouer une parmi les différents types d'adoration à autre qu'Allah, pour autre qu'Allah. Et il a dit que ce type de polythéisme-là fait sortir la personne de l'islam, fait sortir la personne de l'islam et interdit à la personne de rentrer au paradis et fait qu'elle rentrera éternellement et restera éternellement dans l'enfer, le feu de l'enfer. Et ça annule toutes ses actions et ça les rend vaines et ça rend permis son sang et son argent. Donc c'est quelque chose de monstrueux pour plusieurs raisons. Awalan, أنه يجعل صاحبه كافرا مشركا أنه يجعل صاحبه كافرا مشركا. Premièrement parce que celui qui fait le premier type de polythéisme, c'est-à-dire le polythéisme majeur, ça rend la personne mécréant et polythéiste. ثانيا أن المشرك قد حرم الله عليه الجنة ومأوى النار وما للظالمين من أنصار والتحريم معنا بمعنى المنع معنى المنع من دخول الجنة منعا باتا لهذا قال ومأواه النار لما حرم من الجنة صارت النار مأواه أبد الآباد ولا يخرج منها أبدا والعياذ بالله. Deuxièmement, c'est que la personne qui fait du polythéisme majeur, Allah lui a interdit à Zawajal le paradis et sa destination finale sera l'enfer où il n'aura aucun secours. Il trouvera personne pour le secourir parce que les injustes n'ont pas de personne pour les secourir. Au tahrim, le fait que c'est interdit, ça veut dire qu'il sera interdit de rentrer dans le paradis de façon catégorique. C'est pour ça qu'il a dit Wahunar, sa destination finale, ce sera l'enfer. Et lorsqu'il a été interdit du paradis, le feu de l'enfer s'est devenu sa demeure et sa destination. Pour tout jamais, ça demeure sa destination pour tout jamais, de façon éternelle. Et il n'en sortira jamais, ou les aides de Allah, qu'elle nous en préserve. Thalithan, anna Allah harram al-mushrika min al-maghfira. Qala ta'ala, inna Allah la yaghfiru a yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'a. Fal-mushriku idha mata ala al-shirki, la tama'a lahu fi maghfira de Allah subhanahu wa ta'ala, ma lam yatub minhum. Il a dit que troisièmement, le polythéisme, suivi du polythéisme majeur, il est interdit du pardon et de la miséricorde d'Allah. Comme Allah a dit dans le verset, Inna Allah la yaghfiru ayushraka bihi, yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit dans son adoration, mais en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Il a dit, Fal mushriku idha mata ala shirki, la tama'a lahu fi maghfiratillah. Le mushrik, lorsqu'il meurt sur le polythéisme, il n'a pas d'espoir d'être pardonné, il ne peut avoir ne serait-ce que une partie de la miséricorde et du pardon d'Allah tant qu'il ne s'est pas repenti. Inna al-maghfiratu min duni tawba liman sha'a Allah khassatan bidunub allati hiya dun ash-shirk. Le pardon sans tawba, ça c'est pour ceux qui ont fait des péchés qui n'ont pas atteint le degré du shirk, qui n'ont pas atteint le degré du polythéisme. C'est ça qu'il a dit, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha', mais en dehors de cela il pardonne à qui il veut. Kazina wa sarikati wa shurbi al-khamri الخمر وغير ذلك من المحرمات والكبائر التي لا تصل إلى حد الشرك فهي تحت مشيئة الله إن شاء غفر لأصحابها وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرج من النار ويدخلهم الجنة ذو حيلهم وإيمانهم ولا يقال لهم عصاة الموحدين لكن إذا لم يغفر لهم فإنهم لا يخلدون في النار كما يخلد الكفار Abadatul Asnam Walmushikun. Il a dit que ça c'est comme le cas de la fornication ou du vol ou du fait de boire de l'alcool ou tout autre péché parmi les grands péchés et les choses qui sont interdites qui n'ont pas atteint le degré du shirk, du polythéisme. ils sont sous la volonté d'Allah, Azzawajal, s'il veut, il pardonne à ceux qui ont fait ces péchés-là, mais s'il veut, il les châtie en fonction de leurs péchés. Ensuite, il les fera sortir du feu de l'enfer et il les fera rentrer au paradis suite à leur monothéisme et à leur foi. Donc, ceux-là, on les appelle Uswat al-Muwahidin, les désobéissants parmi les gens du Tawhid, les désobéissants parmi les monothéistes. لكن إذا لم يغفر لهم فإنهم لا يخلدون في النار. Mais eux, même si on ne leur pardonne pas, ils ne resteront pas éternellement. Ils ne resteront pas éternellement dans l'enfer, comme les mécréants et les adorateurs des idoles et les polythéistes. Quatrièmement, رابعا الشرك يحبط جميع الأعمال. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Quatrièmement, le polythéisme, ça annule toutes les actions, ça les rend vaines. Comme elle l'a dit dans le verset, selon la traduction rapprochée, certes, il t'a été révélé à toi et ceux avant toi que si jamais tu fais du polythéisme, toutes tes actions seront vaines et tu feras partie des perdants. Tu feras partie des perdants. Au contraire, adore Allah seul. Fait partie de ceux qui sont reconnaissants. لأن الشرك يبطل الأعمال كما يبطل الحدث الطهارة كما يبطل الحدث الطهارة. قال تعالى لما ذكر بعض الأنبياء في سورة الأنعام ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان إلى قوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Il a dit que le polythéisme s'en rend vain les actions comme lorsque la personne perd ses ablutions. Parce que la personne, lorsqu'elle fait les ablutions, ensuite, elle fait un parmi les agnotifs des ablutions, sa purification sera annulée. Sa purification sera annulée et ses ablutions aussi seront annulées. Pareil pour la personne qui atteste que la ilaha illallah, qu'il n'y a d'unité digne d'être adoré sauf Allah et que Muhammad est son messager. Et ensuite, qui fait du shirk, du polythéisme majeur, son tawhid, son unicité sera annulée. Et ces actions aussi seront annulées et seront vaines. Et le shirk, le polythéisme, ça rend les actions vaines et ça les annule, comme la personne qui perd ses ablutions. C'est pour ça qu'Allah l'a dit dans Sourate An'am, après qu'il ait cité certains prophètes, et Nuh, on l'avait déjà guidé avant cela, parmi ses descendants, Daoud et Suleyman. Jusqu'à ce qu'il ait dit, si jamais ils avaient fait du shirk, du polythéisme majeur, ils auraient annulé tout ce qu'ils ont fait comme action. مع أنهم أنبياء لكن لو قدر أنهم أشركوا لحبطت عنهم أعمالهم كما قالت على نبيه لئن أشركت لا يحبطن عملك. فلا ينفع الإنسان أي عمل عمله مع الشرك أو عمله قبلهم ولم يتب منه كله لأنه يبطل الأعمال فإذا مات عليه صار من أهل النار الخالدين فيها. قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. قلت أنا ومن مات وهو لا يدعو مع الله وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. نعم. Il a dit que même malgré que ce sont des prophètes, si jamais ils avaient fait du polythéisme majeur, leurs actions auraient été vaines. Donc leurs actions auraient été vaines. Comme Allah a dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si jamais tu fais du shirk, tes actions seront vaines. Ainsi, la personne ne profitera pas de ses actions si elle fait du polythéisme. Peu importe que ce soit des actions qu'elle ait fait maintenant ou avant, tant qu'elle ne s'est pas repentie. Parce que le polythéisme, ça annule les actions. Et lorsque la personne meurt en étant polythéiste, elle fera partie des gens de l'enfer qui resteront éternellement. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui meurt en invoquant autre qu'Allah ou en associant Allah autre que lui, il rentrera en enfer. Et Abdullah Mas'ud a dit, Kultu ana, moi je dis que celui qui meurt et alors qu'il n'invoque rien en dehors d'Allah, qui ne donne aucun associé à Allah, il rentrera au paradis. خامساً أن الشرك يبيح دم المشرك وماله ويوجب جهاده. قال صلى الله عليه وسلم أميت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فلا يعصم المال والدم إلا توحيد. أما الشرك فإنه يبيح المال والدم بمقاتلة أصحابه، هذا هو الشرك ما يترتب عليه من العقوبات في الدنيا والآخرة، وهو أنواع كثيرة، أعظمها دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والذبح لغير الله، والسجود لغير الله، والنذر لغير الله، والركوع لغير الله، إلى آخره. من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. Il a dit que simplement le polythéisme ça rend parmi le son et l'argent de celui qui fait le polythéisme, et ça rend obligatoire aussi le fait de le combattre. Comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent « La ilaha illallah ». Et lorsqu'ils disent ça, ils préserveront de moi leur sang et leur argent, sauf en droit de l'islam. Et leur jugement reviendra à Allah. Ainsi, rien ne protège l'argent et le sang si ce n'est tawhid. Et pour ce qui est du shirk, du polythéisme, ça rend permis le sang et l'argent de la personne parce qu'elle doit être combattue. Et le cheikh a dit, ça c'est le shirk, le polythéisme, et ceux qui en découlent comme punition dans le dunya et dans l'au-delà. Et il est de différents types. Et le plus important et le plus grand type de shirk, c'est fait d'invoquer autre qu'Allah ou demander secours à autre qu'Allah dans une chose que seul Allah a la capacité de faire, ou d'égorger pour autre qu'Allah, ou de se prosterner pour autre qu'Allah, ou de vouer un vœu pieux, pour autre qu'Allah, ou de se incliner pour autre qu'Allah, recours, ainsi de suite. Donc, toute personne qui fait un type parmi ces différents types d'adoration pour autre qu'Allah, il aura fait du shirk majeur, du polythéisme majeur. النوع الثاني الشرك الأصغر وهو ما ورد في الكتاب والسنة تسميته شركا ودلت الأدلة على أن صاحبه لا يخرج من المنة. Le deuxième type de polythéisme, c'est le polythéisme mineur. C'est celui qui a été nommé comme étant du polythéisme dans le Coran et dans la Sunna. Mais les preuves montrent que celui qui le fait ne sort pas de la religion, il ne devient pas mécréant. وهو نوعان. Et c'est aussi de deux types. النوع الأول شرك في الألفاظ كالحلف بغير الله، قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك فقد كفر أو أشرك، مثل قول لولا الله وأنت ما شاء الله وشئت، هذا الشرك في الألفاظ. Il y a des polythéismes mineurs aussi de deux types. Premier type, c'est le polythéisme dans les mots, dans les phrases, dans les expressions. Comme le fait de jurer par autre qu'Allah, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jure par autre qu'Allah, il aura fait de la mécréance ou du polythéisme. Comme le fait de dire « La ilaha wa anta » si ce n'était Allah et toi, et « Ma sha Allah wa shi'ta » ça c'est ce que Allah a voulu et toi, ainsi de suite. Il a dit que ça c'est du shirk dans les expressions et dans les mots. « Al-nou' thani shirkun khafiyun fil kuloubi »« Wahua anwa' min abraziha riya »« Wahua ya'ridu lima yura min al-a'mal »« Wahua ala nawa'in » Deuxième type, c'est un shirk qui est caché dans les cœurs, et il est de différents types. Et le plus important, c'est le riya, l'ostentation, et ça arrive dans les actions qu'on voit, et le riya aussi est de deux types. Le riya aussi, l'ostentation, est de deux types. Premièrement, riya ul munafiqin alladhina hum fi ad-dark al-asfali min an-nar alladhina yura'una an-nasa bi'a'malihim yataqiduna bi qulubihim al-kufr hadha wal 'iyadu billahi riya'un kufr لأن أصحابه لا يؤمنون بالله عز وجل إنما يتظاهرون بالأعمال الصالحة لأجل مطامع دنيوية. Premièrement, c'est l'ostentation des hypocrites, des munafiqins, qui eux sont dans le plus bas degré d'enfer, et qui font des actions pour que les gens les voient. Ils font de l'ostentation par rapport aux gens, et dans leur cœur, ils ont de la mécréance. هذا والعياذ بالله. Le cheikh a dit que ça, c'est de la mécréance, qu'elle nous en préserve. Parce que ceux qui sont de ce type-là, ils ne croient pas en Allah, Azzawajal, ils font seulement des actions pour que les gens les voient et pour des intérêts mondains. Deuxièmement, الرياء الذي يحصل من المسلم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما خرج إليهم وهم يتذكرون الدجال قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الرياء يقوم أحدهم يصلي فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. Il a dit que le deuxième type de riya, d'ostentation, c'est ce qui peut arriver aux musulmans, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons lorsqu'il est sorti et qu'il les a vus en train de parler à propos du Dajjal. Il a dit: ne vais-je pas vous informer de ce que je crains plus pour vous que le Messie et le Dajjal? Ils ont dit: bien sûr, ya Rasulallah. Il a dit: l'ostentation, c'est que la personne se lève et prie et qu'elle parfaite sa prière parce qu'elle voit une personne qui la regarde. فهذا قد يقع من المسلم والمؤمن فإذا وجد في نفسه شيئا من الرياء قاومه وعاد إلى الإخلاص قاومه وعاد إلى الإخلاص لله عز وجل فلا يضره إذا دفعه أما إذا استمر معه فإنه يبطل العمل إذا كان معه من بدايته وكذلك إذا طرأ في أثناء العمل واستمر على الراجح. نعم إلى ديك. Ça peut arriver du musulman et du croyant. Donc, quand la personne elle voit qu'elle sent un peu d'ostentation, elle doit le combattre et revenir à la sincérité envers Allah Azza wa Jal. Et ça ne lui fera pas de mal. Ça ne lui fera pas de mal dans ce cas-là s'il le repousse. Mais si jamais ça continue avec lui pendant toute action, et bien ça rendra vain cette action-là. Ça rendra vain cette action-là. Si c'est avec lui, si l'ostentation ça commence depuis le début jusqu'à la fin de l'action. Et de même que si jamais ça arrive, l'ostentation ça arrive pendant l'action et que ça continue jusqu'à la fin, ça c'est la parole qui est plus correcte, c'est que ça annulera cette action là aussi. من أجل يسمعه الناس ويثنوا عليه فيقع في الأقوال المشروعة من قراءة وأذكار غير ذلك مما يفعلها يريد أن يمدحه الناس إن يسمعونه أو أن يقع في نفسه شيء من حب الثناء فهذا شرك أصغر. نعم يعني que de même que le fait de aimer la renommée السمعة c'est le fait que la personne elle aime qu'on l'entende pour qu'on fasse ses éloges. Il a dit que ça arrive dans tout ce qu'on peut entendre comme parole, comme les adhkar et comme la récitation du Coran, pour que les gens l'entendent et fassent ses éloges. Et ça arrive aussi dans tout ce qui est légiféré, comme une récitation et adhkar, ainsi de suite. La personne qui fait ça, elle veut que les gens fassent ses éloges lorsqu'ils l'entendent, ou le fait qu'elle aime qu'on fasse ses éloges. Ou le fait qu'elle aime qu'on fasse ses éloges. Et ça, c'est du shirk mineur, du polythéisme mineur. Il dit que وكذلك من الشرك الخفي يريد الإنسان بعمله الدنيا فيعمل عملا صالحا وهو يريد طمع الدنيا كما قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. De même que le cheikh a dit que ça fait partie du shirk khafi, du shirk qui est caché, le fait que la personne fasse une action pour dunya, pour l'intérêt mondain. C'est-à-dire qu'elle fait une action qui est une bonne action, mais elle ne veut que par ça dunya ou un intérêt mondain. Comme on l'a dit dans le verset, man kana yuridu al-hayat ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les attribuerons exactement selon leurs actions. Nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien en soit diminué. Ceux-là qui n'ont rien dans l'au-delà que le feu. Et ce qu'ils ont fait ici-bas sera un échec et sera vain. Et sera vain ce qu'ils ont œuvré. Il a dit « فالذي يأتي بعبادة يريد بها طمع الدنيا » كالذي يطلب العلم الشرعي لأجل الدنيا أما الذي يطلب العلم غير الشرعي فلا بأس يتعلم من أجل الحرفة والمهنة ليتعيش بها كان يتعلم الحساب والصناعة والكتابة يقصد بذلك أن يحصل على وظيفة فلا بأس به وهو من الأسباب المباحة وليس عبادة نعم لديك سويك في نكسيون. Alors qu'il veut par là un intérêt mondain, comme une personne qui cherche la science religieuse pour dunya, pour un intérêt mondain, et bien ça sera du shirk mineur, c'est du polythéisme mineur. Par contre, celui qui cherche une science qui n'est pas une science religieuse, il a dit que c'est permis pour lui qu'il fasse ça pour l'intérêt mondain, comme pour un travail ou pour une fonction, pour vivre de cela. Comme une personne qui apprend le hisab, tout ce qui est mathématique, ou une fabrication ou un métier précis, ou l'écriture, et qui veut par cela avoir un travail, ça c'est permis, il n'y a pas de mal. فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ وَهُوَ مِنْ أَسْبَابِ مُبَاحَةٍ. C'est partie des causes qui sont légiférées. Laissa bi ibada. Laissa ibada. C'est pas une adoration. Amal ibadat. Kan yusalli min ajli tama' al-dunya. Ou jahida. Min ajli tama' al-dunya. Ou yatulba al-ilm. Ou yahujja. Fahada dakhin fi hadi al-aya. Donc il a dit que, par contre, ce qui est des adorations, comme le fait que la personne prie pour un intérêt mondain, comme une personne qui prie pour de l'argent, ou qu'elle fait ce jihad pour de l'argent, pour un intérêt mondain, ou qu'elle cherche sa science religieuse pour un intérêt mondain, ou qu'elle fasse le hajj, le pèlerinage pour un intérêt mondain, ça, ça rend un verset. Man kana yuridu hayat dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien leur en soit diminué. Wa alayhi al-wa'id al-shadid wa huwa an-naw' min ash-shirk. Qala sallallahu alayhi wa sallam: Ta'is 'abdun khamisa, تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، إن أعدي راضي وإن لم يعطى لم يرضى. Il a dit qu'il y a une menace dure, une lourde menace sur lui, parce que c'est parti du polythéisme, c'est une forme parmi les formes du polythéisme. Comme il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il a dit qu'il soit perdu le serviteur des beaux tissus et des beaux divans. عبد الخميصة عبد الخميلة. Il a dit aussi Ta'is Abd al-Dinar ou Ta'is Abd al-Dirham. Il les appelait Abd, comme des serviteurs de l'argent et de l'or. Il a dit qu'ils soient perdus et qu'ils soient anéantis. In u'di aradi ou in lam yu'ta lam yurda. Si jamais on lui donne, il sera agréé. Si jamais on ne lui donne pas, il ne sera pas agréé. Fahada naw'un min ash-shirk wal insan yukhlis a'malahu lillahi azza wa jal. فإن جاءه شيء من الدنيا فهو رزق ساقه الله إليه أما إن عمل عملا للآخرة أما إن عمل عمل الآخرة لأجل الدنيا فهذا هو المذموم وهو من الشرك وعليه الوعيد الشديد فعلى المسلم أن يخلص أعماله لله عز وجل. نعم يعني que ainsi la personne elle va faire attention parce que ça c'est un type de polythéisme. La personne elle doit vouer un culte sincère pour Allah dans ses actions, Azzawajal. Si jamais après elle a une chose parmi les biens du dunya qui lui vient, ça c'est un risque, une subsistance qu'Allah lui a facilité. Mais le fait qu'elle fasse une action parmi les actions de l'au-delà pour un intérêt mondain, ça c'est ce qui est blâmable. Ce qui est blâmable, et ça fait partie du shirk, du polythéisme mineur. Et la personne elle est menacée d'une lourde menace. Donc la personne, le musulman, doit avoir un culte sincère et vouer un culte sincère pour Allah dans toutes ses actions. Il a dit « وَهُنَاكَ فُرُوقٌ كَثِيرًا بِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرُ وَالشِّرْكِ الْأَصْغَرُ وَهِيَ أَوَّلًا أَنَّ الشِّرْكَ الْأَكْبَرَ يُخْرِجُ مِنَ الْمِنَّةِ وَالشِّرْكَ الْأَصْغَرُ لَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِنَّةِ لَكِنَّهُ كَبِيرَةٌ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ وَهُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ. Il dit, premièrement, c'est que le polythéisme majeur, ça fait sortir de la religion, ça rend la personne mécréante, alors que le polythéisme mineur, ça ne fait pas sortir de la religion, mais c'est un grand péché parmi les grands péchés, et c'est une voie aussi, un moyen pour atteindre le grand polythéisme, le polythéisme majeur. C'est-à-dire, à force de rester dans le polythéisme mineur, ça peut faire que la personne tombe dans ce qui est du polythéisme majeur. ثانيا أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال أما الشرك الأصغر فإذا كان رياء أو سمعة فإنه يحبط العمل الذي وقع فيه ولا يحبط بقية الأعمال الذي ليس فيها رياء. Deuxièmement, c'est que le shirk, le polythéisme majeur, ça annule toutes les actions, ça annule toutes les actions de la personne, alors que le polythéisme mineur, ça annule que l'action dans laquelle elle est mélangée ou dans laquelle ça arrive. Comme si c'est de l'ostentation ou le fait que la personne veuille qu'on fasse ses éloges, ça annule l'action dans laquelle c'est arrivé, mais ça annule pas le reste des actions dans lesquelles il n'y a pas de ostentation. ثالثا أن الشرك الأكبر يحل الدم والمال بخلاف الشرك الأصغر فإنه لا يحل دم الإنسان وماله لأنه لم يخرج من الإسلام. Troisièmement, c'est que le polythéisme majeur ça rend permis le sang et l'argent de la personne qui le fait. C'est-à-dire que c'est permis de le combattre. Contrairement aux politiques mineures, ça ne rend pas permis le sang de la personne ni son argent parce qu'il n'est pas sorti de l'islam. Parce qu'il n'est pas sorti de l'islam. اختلف العلماء في الشرك الأصغر هل يغفر كسائر الذنوب التي دون الشرك الأكبر أو لا يغفر لأن الله عمم فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به فهذا عام أو هذا يعم الشرك الأكبر والأصغر لكن هناك فرق بحيث أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار إنما لا بد من تعذيبه ولا يقبل المغفرة لكن لا يخلد في النار يعني كي troisièmement il y a une différence entre le shirk majeur et le polythéisme mineur et que ça va diverger. Est-ce que le polythéisme mineur c'est pardonné comme les autres péchés ou pas? Parce que c'est quand même du polythéisme. Et Allah dit dans le verset « Inna Allah la yaghfiru wa yushraka bihi » Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Il ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Et il a dit que ça englobe le polythéisme majeur et mineur. Mais il y a une différence entre les deux, c'est que le polythéisme majeur, celui qui le fait, il restera éternellement en enfer. Et le polythéisme mineur, ça ne fait pas que la personne reste éternellement en enfer. La personne qui fait du polythéisme mineur ne restera pas éternellement en enfer. Mais certains savants disent qu'il faut qu'il soit châtié. Celui qui fait du polythéisme mineur, il faut qu'il soit châtié pour le polythéisme mineur qu'il a fait et que ce n'est pas pardonnable, que ce n'est pas pardonnable. Mais il ne restera pas éternellement en enfer. نعم. هذه بعض الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر كلها خطيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ça c'est certaines différences entre le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Mais dans tous les cas, ce sont tous les deux des choses dangereuses. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ensuite le cheikh a dit ولا يقال هذا الشرك أصغر فيتساهل الإنسان فيه. لهذا يقول عبد الله بن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره أحب إلي أن أحلف بغيره صادقا. نعم عبد الله بن مسعود il a dit que je préfère jurer par Allah en mentant que de jurer par autre qu'Allah en étant véridique. Le cheikh il a dit فلا يقال هذا شرك أصغر فيتساهل الإنسان فيه. On ne doit pas dire que ça c'est du polythéisme mineur et qu'on soit laxiste par rapport à ça. Parce que c'est, dans tous les cas, c'est quand même dangereux. Dans tous les cas, c'est quand même dangereux. Comme il a dit Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qu'Allah l'agré, qu'il préfère jurer en Allah en mentant que de jurer par autre qu'Allah en étant véridique. Il a dit, l'an as-sayyi'at al-kadhibi akhafu min sayyi'ati shirk. Parce que le péché du mensonge est beaucoup moins important que le péché du polythéisme. Le fait de mentir, c'est beaucoup moins grave que le fait de faire du polythéisme. Ensuite, le cheikh a dit « وهناك شبهات يدلي بها عباد القبور وعباد الأولياء والصالحين اليوم يلبسون بها على الناس منها أنهم يقولون إن الشرك عبادة الأصنام فقط أما من عبد غير الأصنام كالذي يعبد الأولياء والصالحين فهذا ليس شركا إنما هو توسل إلى الله والله تعالى يقول وابتغوا إليه الوسيلة. نعم الشيخ a dit qu'il y a des شبهات des ambiguïtés que ceux qui adorent les tombeaux et les pieux et les vertueux, ils ramènent et avec lesquels ils trompent les gens et ils mettent des choubouhats aux gens. Et la première choubouhat, c'est le fait qu'ils disent que le shirk, le polythéisme, c'est seulement le fait d'adorer les statues et les idoles. Par contre, le fait d'adorer autre que les statues et les idoles, ça, ce n'est pas du shirk comme ceux qui adorent les awliya, les pieux et les vertueux et les alliés d'Allah, comme ils disent. Il a dit que ils disent que ça ce n'est pas du shirk, ils disent que ça ce n'est pas du shirk, que c'est du tawassul, c'est le fait de se rapprocher d'Allah comme Allah l'a dit à Azawajal wa bataghu ilayhi wasila, yani chercher l'action qui vous rapprochera de lui. Le cheikh il a dit hafidhahullah wal jawab ala hadhihi shubha an alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam minhum man ya'budu al asnam wa minhum man ya'budu al shajar wal ahjar wa minhum man ya'budu al shajar wal hajar minhum man ya'budu al malaika ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Le cheikh a dit que premièrement, comment est-ce qu'on répond à cette ambiguïté-là? C'est en disant que ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a combattu, ils étaient de différents types. Parmi eux, certains adoraient les statues et les idoles. Certains adoraient les pierres et les arbres, d'autres adoraient les anges, et d'autres adoraient les vertueux, les pieux et les awliya, comme ils disent. Allah il a dit Azza wa Jal, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur est ni nuisible ni profitable, et ils disent que ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Ensuite, il dit le Cheikh, وكذلك النصارى عبدوا المسيح فهم لا يعبدون صنما إنما يعبدون المسيح عليه الصلاة والسلام فهل يقال أنهم غير مشركين لأنهم لا يعبدون صنما؟ من يقول هذا؟ الشرك هو عبادة غير الله أيا كان هذا الغير، والمشركون الأولون ليس شركهم مقصورا على عبادة الأصنام، بل هم مختلفون في عباداتهم كما ذكر ذلك الشيخ في كتابه كشف الشبهات، وفي القواعد الأربع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم وحاربهم جميعا وقاتلهم ولم يفرق بين من عبد صنما وبين من عبد قبرا أو شجرة أو حجرا أو وليا من الأولياء، بل قاتلهم ولم يفرق بينهم. فلا فرق بين من عبد الصنم وعبد الشجر والحجر أو الملك أو الجن أو الإنس، فهذا شيء واضح. الشيخ il a dit que de même que les chrétiens ils adorent Isa alayhi salam al Masih, et ils n'adorent pas de statues ni d'idoles. Et il a dit, est-ce qu'on dit alors que ce ne sont pas des mouchikines, que ce ne sont pas des polythéismes, parce qu'ils n'adorent pas de statues? Donc personne ne dit ça. Qui est-ce qui dit ça parmi les savants? Il a dit que shirk, c'est le fait d'adorer autre qu'Allah, peu importe qui que ce soit. Parce que les premiers polythéistes, leur shirk, leur polythéisme, ce n'était pas seulement dans l'adoration des statues et des idoles, mais plutôt c'était de différents types d'adoration, comme il a dit le Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab dans son livre Kashf al-Shubuhat et dans Qawaid al-Arba'. C'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé et il a vu des gens qui adoraient plusieurs choses. Ils étaient dans différents types d'adoration et ils ont tous combattu. Il n'a pas fait de différence entre ceux qui adorent les statues et ceux qui adorent les tombeaux ou les arbres ou les pierres, ou ceux qui adorent les pieux et les vertueux. Ils ont tous combattu, il n'y a pas de différence entre eux. Le Cheikh l'a dit, il n'y a pas de différence entre ceux qui adorent une statue ou qui adorent un arbre ou qui adorent une pierre ou qui adorent un ange ou qui adorent un djinn ou un homme, que ça c'est quelque chose de clair. Il a dit, وَمِنْ شُبُهَاتِهِمْ أَنَّمْ يَقُولُونَ إِنَّ لَنَا نَعْبُدُوا الْأَوْلِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ لِأَنَّمْ يَنْفَعُونَ أَوْ يَضُرُّونَ إِنَّمَا نَعْبُدُهُمْ لِأَجْلِ أَنْ يَشْفَعُوا لَنَا عِنْدَ اللَّهِ وَيَتَقَرَّبُونَ لَهُمْ بِالذَّبْحِ وَالنَّذْرِ والاستغاثة من أجل أن يشفعوا لهم عند الله. أما المشركون الأولون فإنهم يعتقدون أن هذه الأشياء تنفع وتضر من دون الله عز وجل، ويقولون ونحن لا نعتقد ذلك ونحن نعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون، لكن اتخذناهم شفعاء. نعم. Ensuite, il dit que parmi leurs ambiguïtés aussi, ils disent que nous on n'adore pas les pieux et les vertueux parce qu'ils sont profitables ou parce qu'ils sont nuisibles, mais plutôt on les adore parce qu'on veut qu'ils intercèdent auprès de nous, ou plutôt pour nous auprès d'Allah. On veut qu'ils intercèdent pour nous auprès d'Allah. Et ils se rapprochent d'eux en faisant des sacrifices ou des vœux pieux, ou en leur demandant le secours, pour qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah. Mais par contre, ils disent que les premiers polythéistes, eux, ils adoraient ces divinités-là, ils avaient la conviction et la croyance aussi que ces choses-là sont nuisibles ou qu'elles sont profitables en dehors d'Allah. Donc ceux d'aujourd'hui disent que nous, on n'a pas cette croyance-là. Nous, on sait qu'ils ne sont pas profitables ni nuisibles, mais on les a juste pris comme intercesseurs pour nous. Le Cheikh il a dit, حفظ الله والجواب عن هذه الشبهة أن هذا هو الذي ذكره الله عز وجل أن المشركين الأولين، قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، فلا فرق بين شرك هؤلاء وبين الشرك الأولين، فكلهم يقصدون الشفاعة أن تشفع لهم هذه الأشياء والمعبودات، فالشفاعة حق ولكن ليس هذا هو طريقها، بل لها طرق شرعية بينها الله تعالى وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس من طرقها أن الشافع يتخذ إلها من دون الله يذبح له وينذر له ويستغاث به. هذا هو فعل المشركين الأولين، لا فرق. Le cheikh a dit que la réponse à cette choubouha-là, c'est que ça, c'est exactement ce qu'Allah a dit à Zawajal par rapport au premier polythéiste. Il a dit dans le verset « وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا » Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur est ni nuisible ni profitable et ils disent que ce sont nos intercesseurs. Il a dit qu'il n'y a pas de différence entre le polythéisme de ceux-là et des premiers polythéistes. Ils veulent tous, par leur polythéisme, la chafa'a à l'intercession, que ces choses-là et ces divinités-là intercèdent pour eux. Et le cheikh a dit que la chafa'a à l'intercession, c'est quelque chose de réel, mais c'est pas ça la voie qu'il faut emprunter pour l'obtenir. Mais il y a des voies qui sont légiférées, que Allah il a clarifiées à Zawajal et que le prophète l'a clarifié aussi, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça ne fait pas partie des voies qui sont légiférées pour avoir l'intercession, qu'on prend celui qui va intercéder comme une divinité en dehors d'Allah, qu'on égorge pour lui, ou qu'on fasse des vieux pieux pour lui, ou qu'on lui demande de secours. Il a dit ça, c'est pareil que ce que les premiers polythéistes ont fait, il n'y a pas de différence, la farq. Ensuite, il a dit, وَمِنْ شُبُهَاتِمْ أَنَّمْ يَقُولُونَ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ الْأَوَّلِينَ لَا يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ أما هؤلاء الذين يعبدون الأولياء والصالحين فإنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله فكيف تجعلون من لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مثل الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. Il a dit que parmi leurs ambiguïtés aussi le fait qu'ils disent que les premiers polythéistes ils disaient pas la ilaha illallah, alors que ceux d'aujourd'hui, ceux qui adorent les awliya et les pieux, les vertueux, eux ils disent la ilaha illallah Muhammad رسول الله. Donc comment est-ce qu'on peut dire que ceux qui ne disent pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ils sont pareils que ceux qui disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Le cheikh il a dit, Habibullah, فَنَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لَكِنَّ قَضُوهَا وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا تَنْفَعُ إِلَّا إِذَا سَلِمَتْ مِنَ الْمُنَاقَدَاتِ وَمُنَاقِدَاتِ فَهَؤُلَاءِ تَلَفَّظُوا بِهَا وَلَكِنَّهُمْ نَقَضُوهَا بِفِعْلِ الشِّرْكِ فَمَا مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَعْنَاهَا لَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ إِلَّا اللَّهُ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ وَلَا يَعْلَمُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهَا. Non, il a dit que, subhanallah, que ceux-là disent « La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah » mais ils l'ont annulé, Et ensuite il a dit que « La ilaha illallah » ça ne sert à rien si jamais elle n'est pas protégée de ceux qui l'annulent. Parce que ceux d'aujourd'hui disent « La ilaha illallah » mais ils l'ont annulé en faisant du polythéisme. Et ensuite le cheikh a dit « Fama ma'ana la ilaha illallah » Ainsi ça veut dire quoi la ilaha illallah? Son sens c'est « La ma'bouda bi haqqin illallah » Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en réalité si ce n'est Allah. Il a dit que ceux-là ils disent, ceux d'aujourd'hui ils disent « La ilaha illallah » mais ils ne font pas des actions en fonction de ce que ça signifie. فهم يعبدون القبور والأولياء والصالحين وهم يقولون لا إله إلا الله والمشركون الأولون أعرف بلا إله إلا الله من هؤلاء لأنه لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا عرفوا معنى لا إله إلا الله وأن من قالها لا بد أن يترك عبادة غير الله وهؤلاء من جهلهم وغباوتهم جمعوا بين النقيدين بين قول لا إله إلا الله وبين عبادة غير الله عز وجل فهم لم يفهموا من لا إله إلا الله ما فهمه المشركون من قبل فهذا في منتهى الغباوة والسذاجة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لكن الهوى والعياذ بالله يوقع في الضلال. Ensuite, le cheikh a dit que eux ils adorent les tombeaux et les pieux et les vertueux et ils disent la ilaha illallah. Que les mouchikines, les premiers polythéistes, ils connaissaient mieux la ilaha illallah que eux. Parce que quand le prophète leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dites la ilaha illallah, ils ont répondu, aj'al al-alihata ilahan wahida. Est-ce qu'il a réduit toutes les divinités à une seule divinité? Ils ont compris que ça voulait dire que celui qui dit la ilaha illallah, il est obligé de délaisser l'adoration de toute chose autre qu'Allah. Alors que ceux d'aujourd'hui, suite à leur ignorance et leur manque d'intelligence, ignorance et leur manque d'intelligence, ils ont réuni deux choses qui sont opposées. Ils ont réuni le fait de dire la ilaha illallah et d'adorer autre qu'Allah, Azza wa Jal. Donc ils n'ont pas compris la ilaha illallah ce que les premiers polythéistes ont compris. Mais les premiers polythéistes ont compris que la ilaha illallah ça veut dire qu'on doit délaisser toute adoration autre que celle de Allah. Et là, ça c'est le summum de l'ignorance et du manque d'intelligence et de la crédulité. Mais ça, c'est la passion, le hawa, et que l'homme doit préserver. Et il a dit que c'est la passion qui fait tomber dans l'égarement. Ensuite, il a dit: Wa min shubuhatihim annam yaqulun inna al-mushrikina al-awwalin ya'buduna ashjaran wa ahjaran wa jamadat. Amma nahnu فندعو ونتوسل بعباد بعباد صالحين وأولياء لهم جاه عند الله ونحن نتخذهم وسيلة عند الله والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة فنحن اتخذنا الوسيلة فهؤلاء هم الوسيلة. Il a dit parmi leurs ambiguïtés aussi le fait qu'ils disent que les premiers polythéistes, eux, ils adoraient des arbres et des pierres et les choses qui sont brutes, figées. Alors que nous, on invoque et on prend comme intercesseurs des gens qui sont des serviteurs pieux et des awliya, des alliés d'Allah, qui ont une place importante auprès d'Allah. Jah. C'est pour ça que, par exemple, ils disent dans leur invocation « Jah ifulan, ou bi barakati fulan, bi hurmati fulan » On te demande par le biais de la place d'un tel, ou par le biais de son importance, ou par le biais de sa baraka, qu'on dit dans l'invocation. Et soi-disant pour qu'elle soit acceptée. Il a dit فَنَحْنُوْ نَتَّخِذُهُمْ وَسِيلَةً عِنْدَ اللَّهِ Nous les prenons comme une chose qui nous rapproche d'Allah. Allah جَلَّ وَعَلَى يَقُولْ Alors qu'Allah il a dit يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ Il a dit Ô vous les croyants, craignez Allah et recherchez auprès de lui une action qui va vous rapprocher de lui. فَنَحْنُ اتَّخَذْنَا الْوَسِيلَةَ فَهَوَ لَيْهُمُ الْوَسِيلَةَ Ils disent que nous, on a pris cette chose-là qui nous rapproche d'Allah et ce sont eux, cette chose-là qui nous rapproche d'Allah. Le Cheikh, il a dit فَنَقُولُ لَهُمْ الْوَسِيلَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الطَّاعَةُ وَالْعِبَادَةُ وَهِيَ مَا يُوصِلُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ بِطَاعَتِهِ وَفِعْلِ أَوَامِرِهِ وَتَرْكِ نَوَاهِيهِ فَلَيْسَ الْوَسِيلَةُ أَنَّكَ تَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ وَاسِطًا فَهَذَا لَمْ يَدُلْ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ولا السنة وما قال به أحد من أهل العلم المعتبرين بل الوسيلة في الكتاب والسنة هي تقرب إلى الله بطاعته قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة أي القرب إلى الله بالطاعة أما من فسر الوسيلة باتخاذ الوسائط فهذا تفسير باطل محدث لم يقل به أحد من أئمة التفسير ولله الحمد على كل حال فهذه شبهات داحضة لا قيمة لها ولله الحمد لكن هي التي يعتمدون عليها. Le Cheikh a dit qu'on entend en disant que Al-Wasila dans le Coran, c'est le fait d'obéir à Allah et d'adorer Allah, et c'est ce qui rapproche la personne d'Allah. C'est se rapprocher d'Allah en faisant ce qu'il a ordonné, en obéissant à ses ordres et en délaissant ses interdits. Et que le Wasila, c'est pas le fait que tu mettes entre toi et Allah des intermédiaires. Et ça, il n'y a pas de preuve dans le Coran ni dans la Sunna. Et que personne parmi les gens de science, qui sont des gens notables, n'ont dit ça. Personne n'a dit ça parmi les gens de science. Et que le Wasila dans le Coran et dans la Sunna, c'est le fait de se rapprocher d'Allah en lui obéissant. Comme il y a dit dans le verset, Ya ayyuhal amanu taqullaha wa bitaru ilayhi wasila. Ô vous les croyants, craignez Allah et recherchez auprès de lui une action qui va rapprocher de lui. Rechercher une action qui va vous rapprocher de lui. Et il y a le kurba, c'est-à-dire ce qui vous rapprochera d'Allah par son obéissance. Par contre, le fait d'interpréter la wasila comme étant le fait de prendre des intermédiaires entre nous et Allah, il a dit que ça c'est un tafsir batil, ça c'est un tafsir qui est caduque et qui est muhdath, qui est inventé, que personne avant n'a dit parmi les gens, parmi les savants du tafsir. Walillah alhamd. Ensuite, il a dit que ça, ce sont les shubuhat qu'ils ont, leurs ambiguïtés, et n'ont pas de valeur, et sont caduques. Mais qu'ils se basent sur ça. Ensuite, il dit وَهُنَاكَ مَنْ يَعْتَذِرْ عَنْهُمْ وَيَقُولْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ الْأَضْرِحَ وَالْقُبُورِ يَعْذُرُونَ أَوْ يُعْذَرُونَ بِالْجَهْلِ وَمَا أَكْثَرُ مَا نَسْمَعَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ أَوْ نَقْرَأُهَا فِي كُتُبِهِمْ أَنَّ فِعْلَهُمْ هَذَا لَا يَجُوزْ لَكِنَّهُمْ جُهَّالُ. Le Cheikh a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on peut les excuser parce que ceux qui adorent les tombeaux et les mausolées, que ce sont des ignorants et qui sont excusés par l'ignorance. Le Cheikh a dit qu'on entend ça beaucoup dans leurs paroles et qu'on lit ça souvent dans leurs livres. Que ceux qui font là, ce n'est pas permis, mais que ce sont des ignorants. Ensuite, il a dit, Hafidhallah, فَنَقُولُ لَهُمْ كَيْفَ يَكُونُونَ جُهَالًا وَهُمْ يَقْرَوْنَ الْقُرْآنَ فِيهِ النَّهْيُ عَنِ الشِّرْكِ والنهي عن اتخاذ الوسائط من دون الله عز وجل. Le cheikh dit comment est-ce qu'ils peuvent être des ignorants alors qu'ils lisent le Coran. Et dans le Coran, il y a l'interdiction du polythéisme. Il y a l'interdiction de faire du polythéisme. Et il y a l'interdiction aussi de prendre des intermédiaires entre nous et Allah Azzawajal. Ensuite, il a dit وَمَنْ بَلَغَ الْقُرْآنَ وَمَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنَ وَهُوَ عَرَبِيٌّ يَفْهَمْ مَعْنَهُ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ قَالَ تَعَالَى وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ مَنْ بَلَغَ فَمَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنَ وَهُوَ عَرَبِيٌّ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ إِنْ كَانَ غَيْرُ عَرَبِيٍّ فَيُتَرْجَمُ لَهُ مَعْنَاهُ حَتَّى يَفْهَمَهُ وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ وَالْأَضْرِحَةَ في بلاد العرب وهم عرب فصحاء ربما أن أحدهم يحفظ كتاب سيبوي ويعرف اللغة العربية والبلاغة مع هذا يعبد القبور هل هذا معذور بالجهل هل هذا معذور بالجهل Le cheikh a dit que celui à qui le Coran il est arrivé et ça lui est parvenu et qu'il est un arabe et il parle la langue arabe et qu'il comprend le sens et bien lui il n'aura pas d'excuses La preuve sera réalisée contre eux. Qamat Ali Hujja. Parce qu'Allah a dit وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ Il m'a été révélé ce Coran pour que je vous avertisse, ainsi que toute personne à qui c'est arrivé, toute personne à qui le Coran a été parvenu. Et celui à qui le Coran il est parvenu, alors que c'est un arabe et qu'il comprend la langue arabe, et bien la preuve sera réalisée contre lui. Il n'a pas d'excuse. Et si jamais c'est quelqu'un qui comprend la langue arabe, on fera la traduction des sens jusqu'à ce qu'ils comprennent, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Mais ceux qui prennent les tombeaux et les mausolées dans les pays arabes et qui sont des arabes éloquents et que peut-être même l'un d'eux mémorise le kitab de Siwawi, Siwawi qui est un grand savant de la langue arabe, l'équivalent de Al-Bukhari dans le hadith, qui connaît très bien la langue arabe et tout ce qui est l'éloquence, comment est-ce qu'on peut dire qu'il est excusé par l'ignorance, alors qu'il adore les tombeaux? Le cheikh a dit ensuite وَأَكْثَرْ مَا تَكُونُ هَذِي الْقُبُورُ وَالْأَضْرِحَةَ فِي بِلَادِ الْعَرَبِ الَّذِينَ نَزَلَ الْقُرْآنِ بِلُغَتِهِمْ فَكَفَ تَقُولُونَ هَؤُلَى جُهَّالُ وَإِلَى مَتَى الْجَهَلُ لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن زادت الجاهلية وجاء العلم والحجة فليعذر بالجهل وهو يعيش بين في بلاد المسلمين يحفظ القرآن ويقرأ القرآن ويسمعه ويسمع كلام أهل العلم خصوصا بعدما جاءت وسائل الإعلام التي تنقل إلى الناس كلام أهل العلم التي تنقل إلى الناس كلام أهل العلم يقرأ فيها القرآن صباحا مساء بصوت يسمعه من في المشرق والمغرب فكيف يقال إن هؤلاء ما بلغتهم الحجة وهؤلاء جهال مع أن أكثرهم معهم شهادات عالية في اللغة العربية وعلوم الشريعة والقراءات والفقه والأصول نعم الشيخ dit que la plupart du temps le plus grand nombre de tombeaux et de mausolées se trouvent dans les pays arabophones dans la langue desquelles le Coran a été révélé. Dans la langue desquelles le Coran a été révélé. Comment est-ce qu'on peut dire que ceux-là sont des ignorants? Il a dit jusqu'à quand l'ignorance? Jusqu'à ce quand? Est-ce qu'on va prendre ça comme excuse? Parce que après que le prophète Mohammed il soit venu et que le Coran a été révélé, la djahiliya a disparu. L'ignorance et après la période pré-islamique, elle a disparu et la science et la preuve, elle est venue et a été révélée. Donc on ne peut pas dire que celui qui est dans ce cas-là, qu'il est excusé par l'ignorance. Il a dit comment est-ce qu'on peut dire qu'il est excusé par l'ignorance alors qu'il vit dans un pays musulman et qu'il mémorise le Coran, il récite le Coran et il entend aussi les paroles des gens de science. Surtout après qu'il y ait les moyens de communication qui soient propagés, qui propagent les paroles des gens de science et avec lesquels il peut écouter le Coran du matin au soir. Et avec lesquels aussi on peut écouter le Coran, peu importe qu'on soit dans l'Occident ou dans l'Orient. Donc le cheikh a dit, comment est-ce qu'on peut dire que ceux-là, ils n'ont pas encore eu la hujja, et qu'ils n'ont pas encore eu la science, et qu'ils sont des ignorants, alors que la plupart d'entre eux, ils ont peut-être des diplômes très hauts dans la langue arabe, et dans les sciences religieuses, et dans les différentes récitations du Coran, et dans le fiqh, dans la compréhension de la jurisprudence, et dans les usul, dans les fondements. فالحاصل أنهم لا حجة لهم حجتهم داحضة عند ربهم نسأل الله أن يهديهم إلى الصواب ويستبين لهم الحق ويتركوا العناد ويتركوا التقليد الأعمى ويرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم حتى يحققوا إسلامهم ويصححوا دينهم ويكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكونوا من أمة المشركين أتباع أبي جهل وأبي لهب. نعم إلى ذلك سكي réel, c'est qu'ils n'ont pas d'excuses. Ils n'ont pas d'excuses et que leur excuse, elle est vaine, elle est caduque. Elle n'a pas de valeur auprès de leur Seigneur. Donc on demande à Allah qu'il les guide vers la vérité et qu'il leur clarifie la vérité de sorte à ce que ce soit clair pour eux et qu'ils délaissent l'orgueil et le suivi aveugle. Et qu'ils reviennent au livre de leur Seigneur, le Coran, et à la sunna de leur prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils confirment leur islam et qu'ils le parfaitent et qu'ils corrigent leur religion et qu'ils soient parmi la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pas parmi la communauté des polythéistes et des suiveurs de Abu Jahl et Abu Lahab. Ensuite il a dit فَهَذَا فِي الْوَاقِعِ أَمْرٌ عَظِيمٌ وَخَطِيرٌ أَنْتُمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَقْرَؤُونَ وَتَسْمَعُونَ وَمِنْكُمْ مَنْ سَافَرَ وَرَأَى الْعَجَبَ الْعُجَابِ مِنْ أَفْعَالِ هَؤُلَاء وَشِرْكِيَاتِهِمْ وَوَثَنِيَاتِهِمْ لَا يَقْبَلُونَ نَصِيحَةً ولا يسعون إلى من يناديهم إلى الحق ولا يسعون إلى من يناديهم إلى الحق إلا من شاء الله فهذا أمر خطير لا يجوز لطالب العلم والعالم أن يسكت على هذا بل عليه أن يبين للناس ويوضح للناس ويدعو إلى الله تعالى ويجب على ولاة المسلمين جهاد هؤلاء حتى يكون الدين لله وحده. نعم. Ensuite, le cheikh a dit que ça, c'est quelque chose de très très grave et très important que nous et les serviteurs d'Allah, il a dit, vous les serviteurs d'Allah, vous lisez, vous entendez. Et parmi vous, certains ont voyagé et ont peut-être vu des choses très étranges. Parmi les choses qui font cela, leur polythéisme et leur attachement à l'adoration des idoles. Ils n'acceptent pas la nasiha, ils n'acceptent pas la nasiha ni le conseil, et ils n'écoutent pas ceux qui les appellent à la vérité, sauf ce qu'Allah veut. Et donc le cheikh a dit que ça c'est quelque chose de très dangereux, et que ce n'est pas permis pour les étudiants en sciences et les savants de se taire sur cela, mais plutôt que c'est obligatoire pour eux d'expliquer aux gens, de leur clarifier, et de les appeler à Allah Azzawajal, et que c'est obligatoire aussi aux détenteurs du pouvoir, parmi les gouverneurs et présidents, de combattre cela jusqu'à ce que la religion soit pour Allah seule. Ensuite il a dit ما معنى الدعوة إلى الله ما دمنا ساكتين عن هؤلاء ما دمنا ساكتين عن هؤلاء ندعوهم إلى الصدق وعدم الغش في البيع والشراء وعدم الزنا ونترك الشرك ونترك الشرك ولا ندعوهم إلى تركه نترك الخطر العظيم ولا نبدأ بالتوحيد والنهي عن الشرك أما بقية الذنوب فإنها تحت المشيئة لكن الشرك لا يقبل المغفرة ولا يدخل تحت مشيئة الله في المغفرة فكوننا نبدأ بالفروع ونترك الأصل هذه ليست طريقة الدعوة إلى الله هذه ليست طريقة الدعوة إلى الله عز وجل فإن الرسل أول ما يبدأون بتصحيح العقيدة في الدعوة إلى الله عز وجل لا يبدأون بالأطراف والجوانب التي لا تنفع مع عدم التوحيد وعدم العقيدة الصحيحة. الشيخ dit que ainsi ça veut dire quoi la da'wa à Allah et c'est quoi le prêche à Allah si jamais on se tait sur cela, si jamais on ne les appelle pas à la vérité. On les appelle à la vérité au fait de ne pas tricher dans le commerce et dans la vente et le fait de ne pas faire de la fornication et on délaisse le shirk. Et on délaisse le shirk, on ne les appelle pas au fait de délaisser le polythéisme, le shirk. On délaisse ce qui est le plus important, le plus en danger et on commence par le tawhid et le fait d'interdire le shirk, le polythéisme. En fait, ce qui veut dire là, c'est que c'est pas possible de commencer par ce qui est moins important et délaisser ce qui est plus important, comme le shirk. On ne peut pas commencer par la véracité, le fait de ne pas tricher, ainsi de suite, et délaisser le polythéisme qui est le plus important, qui est le plus grave des péchés. Il a dit que les autres péchés, eux, ils sont selon la volonté d'Allah. Mais le shirk, non, le polythéisme, il passe sous la volonté et il ne sera pas pardonné non plus, il ne sera pas pardonné. Donc le fait de commencer par les choses qui sont secondaires et de laisser la base, ça c'est pas la voie du prêche vers Allah, parce que les prophètes À chaque fois, la première fois par laquelle il commence, c'est le fait de corriger la croyance et d'appeler à Allah, le fait d'adorer Allah seul, Azzawajal. Il ne commence pas par les choses secondaires et les choses qui ne sont pas profitables. Les choses qui ne sont pas profitables si la personne n'a pas le tawhid, le monothéisme et qu'elle n'a pas une croyance qui est correcte. Non. Il a dit « Amma ». لو كان عنده توحيد وسلامة من الشرك والإخلاص لله وإخلاص لله فهو لو عمل الكبائر التي دون الشرك فإنه يرجى له المغفرة وإن عذب فإنه لا يخلد في العذاب فكيف نترك الأمر الخطير نتجه إلى ما دونه ونقول هذا العمل والدعوة إلى الله عز وجل. Donc la personne, si jamais elle a du tawhid, elle a le monothéisme et qu'elle est préservée du polythéisme et qu'elle a la sincérité envers Allah, même s'il fait des grands péchés qui sont en dessous du polythéisme, on peut espérer qu'il soit pardonné, on peut espérer qu'il soit pardonné. Même s'il est châtié, il ne restera pas éternellement dans le châtiment de l'enfer. Donc comment est-ce qu'on peut délaisser ce qui est le plus grave et ce qui est le plus dangereux et qu'on se tourne vers ce qui est en dessous de cela et on dit que c'est ça la da'wa, l'appel à Allah. Comment est-ce qu'on peut délaisser le tawhid, l'appel au tawhid et le fait d'interdire le shirk et qu'on se tourne vers ce qui est moins important que cela, et on dise que c'est ça la da'wa et l'appel à Allah Azza wa Jal. Il dit « Al-ana ta'ifuna juhuda al-da'wa wa kathat al-du'a ala la mu'assasatun wa marakizun lakin al-adriha ala haliha bal tazidu fil alam al-islami wa al-tassawufu wal-bida'u yakthuran aina al-da'wa ila Allah wa aina hadhi al-juhud wa thamaratuha. » Non. Le cheikh a dit que maintenant on connaît les efforts de la da'wa et le nombre de prêcheurs et qu'il y a des moissassas, des associations, des marakis, mais les tombeaux et les mausolées sont toujours là, ils sont toujours au même niveau, au même état. Au contraire même, ils sont de plus en plus nombreux dans le monde musulman, ils sont de plus en plus nombreux dans le monde musulman, il y en a de plus en plus. Et il a dit aussi que tasawuf, le soufisme et les innovations, ils augmentent de plus en plus. Ils augmentent de plus en plus. Après, il a dit « Fa'ayna da'wa ila Allah »« Fa'ayna da'wa ila Allah » Elle est où la da'wa à Allah ? Il est où le prêche à Allah et à la religion d'Allah ?« Fa'ayna hadhi al-juhud wa thamaratuha » Et sont où ces fruits de la da'wa et ces efforts-là ? Ensuite, il a dit « Hafidhahullah »« Falwajib alayna an natanabbaha li hadha al-amr wa nad'uwa ila Allah ala basiratin wa nabda bima bada'at bihi al-anbiya'u wa al-rusul » وهو تصحيح العقيدة ثم البناء عليها لأنها هي الأساس وما عداها مبني عليها إذا كان الأساس صحيحا كان البناء صحيحا وإذا كان الأساس فاسدا انهار البناء ولا ينفع صاحبه فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه وشفى جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا مثال واضح لمن أسس دينه على العقيدة على عقيدة صحيحة ونية صالحة ومن أسس بنيانه على شرك وعلى أمور أخرى مخالفة لدين الله هذا. ونسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه سميع مجيب. نعم. Ensuite, le cheikh a dit que ce qui est obligatoire pour nous, c'est de faire attention à cette chose-là et de appeler à Allah et à sa religion avec clairvoyance et avec science et de commencer par ce par quoi les prophètes et les messagers ont commencé, qui est le fait de corriger la croyance, ensuite de construire sur ça. Parce que si jamais la croyance elle est bonne, et le reste sera bon aussi. Il a dit que la croyance, ça, c'est la base et tout ce qui est autre que la croyance, c'est construit sur la croyance. Donc si jamais la croyance, la base, elle est bonne, le fondement, il est bon, et bien la construction et le bâtiment, il sera bon aussi. Mais si jamais la fondation, elle est mauvaise, et bien le bâtiment, il va s'écrouler et il ne profitera pas à celui qui l'a fait. Comme on a dit dans le verset, « Afaman assassa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khaylun amman assassa bunyanahu ala shafa julufin harin fanharabi finari jahannam wallahu la yahdin qawman zalimin » Lequel est plus méritant ? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'incrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croulera avec lui, et qui croulera avec lui dans le feu de l'enfer, et Allah ne guide pas les gens injustes. Le cheikh a dit ça, c'est quelque chose de wadih, de clair, que celui qui construit sa religion sur une bonne croyance et une bonne intention, et celui qui construit sa religion sur le polythéisme et des choses qui contredisent la religion. C'est-à-dire que les deux sont pas pareils. Celui qui construit sa religion sur une bonne croyance, eh bien, lui est plus méritant que celui qui construit sa religion sur une mauvaise croyance et sur le polythéisme et des choses qui contredisent la religion d'Allah Azzawajal. Ensuite, il a dit, on demande à Allah qu'il nous montre la vérité comme étant la vérité et qu'il nous facilite de la suivre et qu'il nous montre le faux comme étant le faux et qu'il nous facilite de l'éviter. Innahu Sami'un Mujib. Car certes, c'est lui qui entend et qui exauce les invocations. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Hada wallahu a'lam. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.